Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. On commence dans 3, 2... Bonjour à la maison, bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde, bonjour Maxime. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui encore une fois autour d'une petite bouffe dans notre snack. Oui, absolument. Juste avant l'improvisation. Qu'est-ce que tu manges, Maxime? Eh bien, j'ai mangé un croissant saumon fumé. C'est quasiment ça que je mange à chaque fois. Ça ou le wrap. Oui. Ça dépend des semaines qui sont disponibles. Wrap à quoi? Au saumon fumé? Au saumon fumé aussi, okay. Ouais. Okay. C'est comme la même recette, mais en un d'un wrap, l'autre c'est dans un croissant. OK. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Bonjour, qui Joël. Vient encore s'incruster dans le 17e game. Game de Joël. Depuis qu'on l'a invité, là, il arrête pas de vouloir faire de la radio. Puis c'est ça. Mais vous le voyez pas à la maison. Vous êtes pas chanceux parce qu'il est beau aujourd'hui en plus. Mais bref. Dépend du pain. Des fois le pain c'est un wrap, des fois le pain c'est un croissant. Puis j'accompagne ça d'un fruit cette semaine. C'est une prune, parce que j'ai beaucoup mangé en fin de semaine, parce que ça va m'aider. Ça va, c'est un bon digestif. Yes, tout à fait. J'ai mangé, pour ma part, un croissant, c'est croissant pomme et brie. Oh. C'est la première fois que je l'essaie. Il était très, très bon, assez sucré. Ça m'a plu. Avec des framboises et un onion ring. Oh, ça devait être bon. Oui, Maxime, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans notre snack? Ah ben c'est drôle, ben c'est toi qui me l'as proposé. tu m'as donné une petite histoire que je ne connais point, que je pourrais raconter. Comment s'appelle-t-elle cette histoire? La face de loup, je pense, je sais pas. Ouais. Le cas curieux de smile.jpg. Smile.jpg, on va vous mettre dans l'ambiance. 3, 2, 1. Il y a vraiment des doigts qui snappent magiquement, c'est incroyable. Moi j'aime ça. Bref, je vais lire ça pour détendre l'atmosphère, puis Guillaume, tu pourras passer tes commentaires au fur et à mesure quand je vais respirer entre mes phrases. Parfait. C'est bon? Je finis ma bouchée et je vais accompagner les gens pendant que je finis ma bouchée. Donc, préparez-vous pour l'histoire de la face de loup. Bon, j'ai rencontré... Je commence. Là, c'est l'ambiance. J'ai rencontré Marie-E en personne la première fois en 2007. Oh. J'arrangeais à l'aide de son mari, Terrence, une interview avec elle. Marie a d'abord accepté car je n'étais pas un journaliste, mais un écrivain amateur qui cherchait... Marie a d'abord accepté... Voyons, j'aurais cru le contraire, mais semble genre t'acceptes pas en premier, mais non. Elle a d'abord accepté parce que c'était pas un journaliste, mais c'était un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur, si tout se passait bien, quelques histoires imaginaires. Ah! On avait planifié l'interview pour un week-end particulier quand j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir. Jusqu'à temps, il y a rien de spécial, moment, là, ça va bien. Non, c'est ça, c'est une belle histoire. Mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Oh. J'imagine qu'il était arrivé sur place. Elle se fait battre, je pense. Je pense qu'elle s'est enfermée tout seule. Ouais, mais c'est pour se cacher de Terrence, son mari. Ah, ok, d'accord. Suis. On va voir là qu'est-ce qui se passe, parce que pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Terrence près de la porte de la chambre. Ah non, Terrence était dehors. Ah, Terrence est dehors. J'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Il prenait des notes pourquoi? Il était supposé faire une entrevue pour une thèse, on sait pas c'est quoi l'histoire pourquoi il était venu interviewer Marie. Ok, parfait. Les choses que Marie disait avaient peu de sens, mais collaient au motif que j'imaginais. Bien que je ne pouvais la voir, je sentais dans sa voix qu'elle pleurait et souvent que sa volonté de ne pas me parler était centrée sur un détail incohérent dans ses rêves, ses cauchemars. Hey, là, on commence vraiment à entrer dans l'histoire d'horreur. Ah, c'est une histoire d'horreur. Je pensais qu'on allait être jovial, là. Je pense que c'est une histoire d'horreur. Ah, shit! C'est pour ça que le fond, il est noir. Terrence s'excusa profondément en renonçant... C'est raciste. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est de même sur l'Internet. Terrence s'excusa profondément en renonçant et je fis de mon mieux pour les rassurer. Rappelant que je n'étais pas un reporter, mais juste un jeune curieux en quête d'informations. Cela dit... Écoute aux portes, là. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas grave, là. Pas l'écrire dans le journal, là. Ou l'écrire sur Internet. Cela dit, pensais-je à ce moment, je pouvais trouver un autre cas similaire si je trouve les ressources et que je me motive. Hein? Veux-tu que je redis la phrase? Ouais, redis ça. Cela dit, pensais-je à ce moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire... Ah, peut-être. OK. C'est bon. Marie-E était une opératrice. Bon, on va faire comprendre pourquoi... C'est peut-être Marie-Élise, son nom, hein? On sait jamais. Peut-être. Marie-Élise Guilbeault. Peut-être. Marie-Hélène Thibert. C'est avec un E. Marie-Hélène. Pas Marie-Hélène. Non, c'est drôle. Elle fait pas de scream, hein. On va faire Marie-Hélène Thibert. C'est bon. Marie-Hélène Thibert était une opératrice de système de tableaux d'affichage basée sur Chicago en 1992 quand elle vit Smile.jpg pour la première fois. Oh. Et sa vie changea à jamais. Elle en quelle était... année, ça? 92. 92, OK, mais c'est quand même vieux, là. Ouais, ben oui, c'est une des premières au moins 24 images de l'Internet, ans, là. Ben, probablement. Ouais, parce que moi, quand l'Internet est devenu grand public, c'est quoi? C'est fin des années 80? Ouais, quand à même. À peu près? À peu près. Il n'y a pas eu beaucoup d'images encore en circulation, puis encore les images loadaient très, très lentement à cette époque-là. Là. Bon. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle et Terrence n'étaient mariés que depuis 5 mois. Donc, OK. Marie, elle était une des 400 personnes estimées qui avaient vu l'image. OK, ben ça, c'est quand même cohérent. Je veux dire, à cette époque-là, comme les gens n'avaient pas beaucoup d'ordinateurs, ça se peut qu'il y avait juste 400 personnes ouais. qui avaient vu l'image. Lorsqu'elle a été postée sur en lien sur un forum, bien qu'elle soit la seule à parler ouvertement de son expérience, les autres restent anonymes ou sont probablement morts. Ouh. En 2005, quand j'étais en troisième, Smile.jpg avait attiré mon attention comme la plupart des phénomènes du web. Fait que là, c'est un creepypasta sur un creepypasta. C'est ça? Ah, c'est ce que je crois comprendre. On dirait. Peut-être. Marie-Hélène Thibert était la victime la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile.dog, la chose que Smile.jpg était censé montrer. OK. Je sais pas c'est quoi un point dog, mais moi bon. Non plus. Mais c'est ça que tu disais que ça avait rapport avec un loup. C'était une phase de loup. Hein? Peut-être. Là, mais que j'arrive à la fin, ça va-tu se mettre à scroller super vite puis ça va crier? Non, il n'y a pas rien qui scrolle, c'est juste que tu vas voir la face de loup. Hey, j'ai peur. On va poster la face de loup en plus parce que nous autres, on est des trous de cul. Ah ouais, c'est peur, hein? Ben, c'est pas une belle face de loup. Okay. C'est une face de loup qui fait un petit peu peur quand même. Ben, hey, continue de lire, là, ouais, en temps. Je sais plus, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, ce qui eut mon intérêt, autre que les éléments macabres évidents des cyberlégendes. Ah, c'est ça, creepypasta en français, cyberlégendes. Ah, moi, j'aurais plus dit des pâtes effrayantes. Les là. Pâtes effrayantes. Ouais, mais ça a peut-être un peu moins de punch pour la radio. Les pâtes épouvantes. Les pâtes épouvantes, ça, c'est bon. C'est les bon. Pâtes et papier. Et ma propension face à ces choses était l'absence pure et simple d'informations parce que les gens ne croient pas en ces hoaxes. Mais ça le dit, si c'est un hoax, c'est que c'est pas vrai. OK. C'est unique parce que, bien que le phénomène se centre sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Certains simulacres se baladent sur des sites web, notamment 4chan en particulier, sur le chan/X réservé au paranormal. OK, fait qu'autrement dit, cette image-là, selon l'écrivain, n'existe... Ben, l'image originale n'existerait pas, seulement non. des banales copies qui... Ouais, peut-être. Des gens qui ont inventé des ça. Photos. Pour essayer de reproduire ce qui se passe. Salut Christelle, tout bonjour, le monde Christelle. Sont ouais. intéressés par ce qu'on raconte. Elle s'en va chercher des linges propres. Dans la salle du loup. Ouh! Il est suspecté que ce soit des fakes, car elles n'ont... pas l'effet que Smile.jpg est soupçonné donner, oh. notamment épilepsie temporaire et anxiété accrue. Une grosse érection. cette réaction du spectateur est une des raisons qui fait que Smile.jpg est regardé avec tant de dédain, car patentement absurde, mais dépendamment à qui on demande, leur répugnance à connaître l'existence de Smile.jpg peut être simplement une peur inconsciente. Cette phrase était drôlement construite. Effectivement, d'après beaucoup moi, c'est de longs mots, une bonne traduction, ouais. c'est pour ça. Smile.jpg et Smile.dog ne sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que le site présente des articles sur d'autres phénomènes similaires, comme les sites choc scandaleux Goatsy, Hello.jpg ou Two Girls One Cup. Les deux premiers, je les connaissais pas. Oh mon dieu, on va mettre des liens sur Facebook. Non, pour vrai, on peut pas mettre ces liens-là sur Facebook. Pourquoi? Ben parce qu'ils bloquent ça. J'avais essayé d'envoyer un moment donné un lien, je sais plus à qui de... Je pense que c'était Meatspin ou une niaiserie de même. Puis Facebook a dit, ah non, c'est un lien dangereux. Ça veut dire que t'as peut-être pogné des virus. Ouais, c'est un peu triste. Ouh. Ah, ça c'est vrai par il contre. Il va faire ça. Bien... bon, le bébé avec le site, blablabla. Toute tentative de créer un article sur Smile.jpg est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. Hein? Je savais pas qu'il y avait des admins. Fait que les admins de Wikipédia connaissent ça, on devrait les contacter. Je pense que c'est un certain Christian Hamel. Ah ben oui, ben ouais, on l'appellera après l'article. Là. Parfait. Les rencontres avec Smile.jpg sont des légendes du web. L'histoire de Marie-Hélène Thibert n'est pas unique. Il y a des rumeurs non vérifiées d'apparition de Smile.jpg dans les anciens jours de Usenet et une histoire plus persistante en 2012. Non, ok, non, c'est bon. Je pensais que la face était en train d'apparaître en arrière, mais c'est juste ton... C'est ma barbe à moi. Non, c'est... Y a un truc de plastique, là, sur ton écran qui est comme un peu... Ouais, il y a quelques petites imperfections. Commencez à avoir peur. Ouais. Une histoire en 2012, un hacker a flooded les forums avec de sites humoristiques et satiriques Something Awful avec un déluge d'images smile.dog, rendant épileptique presque tous les utilisateurs du forum. Ok, quand même, là, j'ai aucune donnée. C'est pire que l'attaque de Pikachu là au Japon là. Ah oui, je suis sûr que c'est vrai. Il est dit aussi que courant année 90. On va faire avec là. Il est aussi dit très fréquemment et de manière vérifiée dans des sources sûres. Smile.jpg a circulé sur Usenet en pièce jointe d'une chaîne de lettres avec pour sujet Smile God Loves You. En majuscule. Ça veut dire qu'on a oublié de la partager, on est dans le trouble. Sûrement, mais on a peut-être été épileptique, fait que, hein? Ouais, mais. Qui sait? Peut-être pas commençant. Malgré ces histoires, quelques personnes admettent avoir vécu cela, mais aucune trace du fichier ou des liens n'ont été découverts. Oh. Ceux qui clament avoir vu smile.jpg disent souvent qu'ils étaient trop occupés pour avoir pensé à sauvegarder l'image dans leur disque. Comme on dit là, une traduction béton. Non, c'est une imager, c'est ça le problème. Sauvegarder l'imager. C'est un accord de guitare, le E major. Cependant, ces victimes ont tous la même description de la photo. Une créature en forme de chien, semblable à un husky sibérien, illuminé par le flash de l'appareil photo. Hey, quand même, il était trop occupé pour l'enregistrer, mais hey, ils ont le souci du détail. Ils connaissent la race du chien. C'est quand même fort. Un husky, pas n'importe quel husky, un husky sibérien. Ils ont même eu le temps d'y demander de quel pays il venait. Un husky sibérien? Moi, je viens de la Sibérie. Illuminé par le flash de l'appareil photo, assis dans une salle. Le seul détail visible de l'arrière-plan était une main humaine sortant des ténèbres de la salle sur la gauche de l'image. La main est vide. Il n'y a rien dans la main, c'est une traduction. Il y a pas là. De marteau. Ouais. Empty hand. Ouais. Yeah. La main est vide, mais est souvent décrite comme pointant du doigt. Bien sûr, l'attention est majoritairement donnée aux chiens ou créatures chiens. Mais pourtant, moi, je mettrais l'attention sur la main parce que c'est une main fort impolie. C'est très, très impoli, Maxime, de pointer du doigt. Elle est peut-être impolie. Là. Peut-être. Faut pas y donner... Peut-être hein? pointant. Car certaines victimes en sont sûres que c'est peut-être une créature chien. Le museau de la bête est figé dans un sourire large, révélant deux lignes de dents bien blanches, bien fines, bien acérées et de forme humaine. Ah! Fait que c'est un chumain. C'est un chumain. Non, c'est un osquemain sibérie. C'est bien sûr non pas une description donnée directement après visionnage, mais plutôt ce que les victimes s'en souviennent, car elles voyaient l'image se répéter dans leur tête à l'infini, alors qu'elles savaient en fait une crise d'épilepsie. OK. Crise épileptique. Ouais. Ces crises sont rapportées comme interminables, souvent quand la victime dort, résultant de dérangeants et réalistes cauchemars. Ceux-ci pouvaient être traités par médicaments, bien que certains tu traites les cauchemars par médicaments, toi. Ben oui, c'est ça. C'est drôle, ça. On sait pas c'est quoi, ils savent pas c'est quoi l'image, mais ils ont déjà des traitements pour le guérir. Quand même. Bien que certains cas furent plus facilement guéris que d'autres, Marie-Hélène Tiber, j'imagine, n'a pas eu de médication effective. Ça expliquerait bien des choses. Elle aurait dû aller chez nous. C'est pourquoi, après ma visite en 2007, je fis des recherches sur des newsgroups de légendes urbaines, sites web, mailing list, espérant trouver une victime de Smile.jpg qui serait intéressée de parler de son histoire. Pendant un temps, rien n'arriva. Un temps si long que je l'avais presque oublié. Quand j'avais commencé la fac, et j'étais assez occupé. Marie-Hélène Tiber me contacta par email cependant début mars 2008. Ça fait presque 9 ans. Mais c'est en 2007, donc... De 2008, qu'il y a le début 2008. Oui, mais c'est pourquoi... Il a commencé sa recherche il y a 10 ans, mais il a été contacté il y a 9 ans. Ok, je comprends. C'est bon. Cher monsieur L, hey, mon Dieu, c'est Luigi! Mr. L! Je suis profondément désolé de ce qui s'est passé l'été dernier quand vous êtes venu. J'espère que vous comprendrez que ce n'était pas à cause de vous, mais plutôt mes problèmes qui m'ont conduit à agir ainsi. J'ai réalisé que je pouvais contrôler décemment la situation. Cependant, j'espère que vous me pardonnerez. À ce moment, j'avais peur. Pendant 15 ans, je suis hanté par Smile.jpg. Smile.dog vient dans mes rêves toutes les nuits. Je sais que ça semble idiot, mais c'est vrai. Ces rêves apparaissent dans une qualité incroyable. Des cauchemars qui sont plus réalistes que les rêves réalistes que j'ai déjà eus. Je ne bouge. Comment ça s'appelle? Sleep paralysis? Nightmare on smile.jpg. Ça, c'est drôle. Je ne bouge pas, je n'avance pas, je regarde simplement droit devant, et la seule chose devant moi est cette horrible scène de l'image. Je vois la main qui pointe, ouais, et je vois Smile. Scène. Horrible scène, c'est juste un chien avec une main, là. C'est pas si horrible que ça. Le chien a deux rangées de dents humaines. Ouais. Et il est sibérien. Ben, c'est moins dangereux. Les dents humaines sont assez rondes, là, comparativement aux dents de chien qui sont beaucoup plus acérées habituellement. C'est le fait que ça soit sur un chien. Mais moi, oui. à longue, je me serais habitué, je pense. Je pense que oui. Mais bon, je vois la main. Surtout s'il est sibérien. Ben oui, c'est ça. Mais en tout cas, elle voit la main. Je vois la main qui pointe et je vois Smile.dog. Il me parle. Fait que là, il y a plus. OK. La main parle, c'est spécial. Non, parce que c'est tout après Smile.dog. Fait que je pense que c'est le chien qui parle. OK. J'ai pensé longtemps, mais là, ça veut-tu dire que la main, c'est Smile.hand? Si le chien, c'est Smile.dog. En tout cas, si vous le savez, vous nous le direz. Moi, je suis un peu perturbé à ça. Ouais. J'ai passé longtemps à mes options. Je pourrais le montrer à un étranger, un collègue, même à Terrence. Mais montrer quoi? C'est un rêve. En tout cas. L'image. Oui, mais c'est dans sa tête. Elle en rêve. Oui, mais elle a déjà vu en 92. Elle a vu l'image. Ouais, elle peut pas le remontrer. Elle a pas sa fenêtre ouverte depuis 1992. Mais ça dépend, peut-être qu'elle a enregistré le fichier. Parce que mais non, c'est écrit que personne l'a fait. Ça dit plutôt qu'il n'y a pas de note, il n'y a pas de personne qui l'aurait fait. Mais peut-être qu'elle l'a fait. Ben oui, mais là, elle était... T'es bien trop occupé à chanter à la voix. Keep free. J'ai passé longtemps à mes options. Je pourrais le montrer à Terrence, un collègue. Même à Terrence, tant que l'idée m'en dégoûte, qu'arriverait-il alors? Si Smile.dog garde ses mots, je peux dormir. Mais s'il a menti, que devrais-je faire? Et qui dit quelque chose de pire ne viendrait pas pour moi si je fais ce que la créature me demande? OK, ça s'apparente beaucoup à la schizophrénie, je trouve. Ben, un petit peu. Elle entend des voix en forme de chien. Elle entend des voix, puis elle fait des hallucinations, mais seulement pendant la nuit. Ça, c'est curieux. Ouais, ben, c'est des rêves, des cauchemars réalistes, plus réalistes que les rêves réalistes. Peut-être qu'elle ne dort pas. Peut-être qu'elle est debout. Mais on va continuer. On va aller voir. Alors, je n'ai rien fait pendant 15 ans, bien que j'ai gardé la disquette cachée dans mes affaires. Hey, crème-tu? Tabarnouche, j'avais le OK. Toutes les nuits depuis 15 ans, Smile.dog vient dans mon sommeil et me demande de répandre le mot. Pendant 15 ans, je suis resté forte, bien qu'il y ait eu des moments difficiles. Bien des victimes du forum où j'allais et qui ont vu Smile.jpg ont arrêté de poster. J'ai entendu dire que certains s'étaient donné la mort. Les autres gardent le silence, disparaissant de la surface du web. Ils ont fait comme le Canadien, ils ont arrêté de se présenter. Ils sont... True story. Ils sont... ceux dont je m'inquiète le plus. Alors, ça fait 15 ans, là, à un moment donné, en 20 ans. Elle s'inquiète d'inconnus qu'elle n'a jamais rencontrés. Sur les forums. Elle a parlé sur des forums. Tout à fait. Qui ont arrêté d'écrire sur Internet. Ouais. Bon, j'espère sincèrement que vous me pardonnerez, Monsieur L, mais l'été dernier, quand vous nous aviez contacté pour l'interview, j'étais sur le point de lâcher. Je me fiche si Smile.dog ment ou pas. Je veux que ça cesse. Vous étiez un étranger, quelqu'un que je ne connaissais pas et j'ai pensé que ma souffrance finirait quand vous prendriez la disquette pour vos recherches et sceller votre destin. Avant que vous arriviez, j'ai réalisé ce que je faisais. Je prévoyais de ruiner votre vie. Ah, d'où le mental breakdown, même si c'était le jour. C'est ça. Puis c'est la nuit qu'elle est hantée. Ouais, c'est ça. Elle avait trop peur de donner cette situation qui est pire que la mort. C'est ça, exactement. Je ne peux pas me permettre ça, et en fait, je ne le ferai jamais. Mais tu viens de dire, je suis tout perdu. J'ai honte, monsieur L. Je pense qu'elle va le faire pareil, parce que sinon, l'histoire n'a pas de fin. Là. J'ai honte, monsieur L, et j'espère que cet avertissement vous dissuadera d'aller plus loin dans l'enquête sur Smile.jpg. Vous pourrez peut-être trouver quelqu'un qui, si plus fort que moi, ou alors plus dépravé, quelqu'un qui n'hésitera pas à exécuter les ordres de Smile.dog, arrêté pendant qu'il en est temps. Sincèrement, Marie-Hélène Thibert. Ah, OK. Terrence me contacta. Elle écrit, je trouve qu'elle écrit un petit peu spécial. Elle fait quelques fautes à des bouts, puis il y a des phrases qui sont un peu incohérentes. Ouais, mais c'est en anglais, puis elle a peur d'un chien. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les chiens et les loups, les rois du monde, là, hein? Pas facile. Terence me contacta plus tard dans le mois pour m'annoncer la mort de sa femme. Oui. OK. En faisant le ménage de ses affaires, fermer son mail, etc., il tomba sur ce mail ci-dessus. C'était un homme craintif. Il me conseilla de suivre le conseil de sa femme. Il a trouvé la disquette et la brûla jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas uniforme de plafond de plastique fondu noir. La chose qui l'a plus effrayé, cependant, était comment la disquette a sifflé quand elle a fondu. Comme un animal, a-t-il dit. C'est anticlimactique jusqu'à présent. J'avoue n'avoir pas été certain de quoi répondre de ça. D'abord, j'ai pensé à une blague avec le couple jouant sur la situation pour s'amuser, mais un rapide coup d'œil dans la rubrique nécrologique des journaux de Chicago, cependant, prouvait officiellement la mort de Marie-Hélène Thibert. Bien sûr, aucune mention de suicide dans l'article. Tu chercheras ça, on va chercher ça en régie, voir Marie-Hélène Thibert. Ouais, c'est morte à Chicago, là. Ouais. Pas sûr. J'ai décidé que, pour au moins une fois, je n'irai pas plus loin sur le sujet de Smile.jpg, vu que les examens arrivaient en mai. Mais le monde a de curieuses manières de vous rappeler à l'ordre. Presque une année complète après ma venue chez Marie-Hélène Thibert, j'ai reçu un mail. Sujet Smile. J'ai trouvé ton adresse sur une mailing list. Ton profil dit que tu es intéressé par Smile.dog. Ben, Smile.dog, il n'y a pas de point ici. Ah. C'est... pas aussi terrible qu'on le dit, je te l'envoie, fais tourner. Puis là, j'imagine qu'il y a l'image qui va apparaître. Puis là, j'ai vraiment... Oh, non, pas encore. La dernière ligne me chatouilla parce qu'il y a un petit bonhomme sourire. Là, points. Ça doit être le bonhomme sourire. C'est peut-être la main, justement, qui l'a chatouillé. Tu sais, la main de l'image. Ah oui, ça l'a fait sourire. Ça l'a chatouillé. Oui, la dernière ligne me chatouilla. D'après mon client mail, il y a une pièce jointe nommée, bien sûr, smile.jpg. Je l'ai téléchargée, bien que je m'imaginais que c'était un fake, et même si ça n'en était pas un, je ne créais pas ce genre d'image. Le compte de Marie-Hélène Thibert m'a secoué. Oui, mais elle était peut-être extrêmement sensible. Après tout, comment une simple image peut se faire autant de bousins? Bousins. Bousins. Quelle sorte de créature peut briser une vie avec une simple image? Je suis sûr que vie va être gâchée juste à cause de ce mot-là. Ouais, c'est ça. Inventer des mots comme bousins. Ici, ces choses sont tellement absurdes. Pourquoi cette légende existe? Si j'ai téléchargé cette image, si je la regarde et si Marie avait raison, si Smile.dog vient dans mes rêves pour que je passe le mot, que ferais-je? Vivrais-je ma vie comme Marie, à combattre contre l'envie d'obéir jusqu'à la mort, ou bien obéirais-je et risquer peut-être ma vie? Et si je le fais, mon choix, comment le ferais-je? À qui faire passer le mot? Si je reprends mon intention d'écrire l'article sur Smile.jpg, je pourrais joindre l'image comme prévu, comme preuve, et tous ceux qui liront l'article, tous ceux que ça intéresse seraient affectés. Et même si le smile.jpg du mail est authentique, serais-je assez capricieux pour me sauver de cette manière? Les trois images de smile.gov sont les plus célèbres dans le domaine des creepypastas. Ci-dessous, les trois images en question. Trois images. Je vais te laisser scroller, Maxime. J'ai vraiment pas envie de regarder ça, j'ai peur. Je vais regarder de côté. Regarde de côté. Oh mon dieu! Oh shit, c'est un chien. C'est un chien pis il est pas beau. C'est un chien pis il y a des dents. Ah lui, oui, c'est le pire. Ça, il est dégueulasse. Ouais, celui-là est absurde. Oh mon dieu, mais ça, c'est un peu comme, Jake the Killer. Jeff the Killer. Jeff the Killer. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un mélange entre les deux. Et voilà, Smile Dog. C'était ça. Comment t'as trouvé cette histoire, Maxime? C'était un peu, peu cohérent. C'était très mal traduit. Je pense que la traduction n'a pas aidé. Justice à l'histoire de Marie-Hélène Thibert. On s'entend que c'est une histoire assez célèbre et que Marie-Hélène Thibert en fait un tabac aujourd'hui. C'est un peu anticlimatique avec l'histoire de quelqu'un qui arrive de nulle part et dit « Ah, en passant, voilà la photo. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avant? Pourquoi il l'a fait là? » Ouais, je pense que... Toute l'histoire de Marie-Hélène Thibert, ça servait à rien finalement parce que... C'est une grosse mise en contexte là, dans le fond là. Ce qui fait que évidemment vous pouvez nous faire savoir si vous pensez que cette histoire est vraie ou pas, et serez-vous suffisamment courageux pour regarder l'image que nous mettrons sur le site du 17 avenue des Pins. Toi Guillaume, tu ferais-tu un court-métrage avec cette histoire là? Je pense que ça pourrait être cool comme je pense que visuellement ça pourrait être pas bien, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Moi je changerais peut-être la fin là. Peut-être changer la fin puis faire en sorte que l'histoire ce soit plus Marie-Hélène Thibert. Moi, personnellement, je lui demanderais à elle si elle veut jouer dans le film. Là. Ben ouais, je serais malade. Marie-Hélène Thibert avec comment qui comprendrait Terence. Terence. Terence. Terry Crews. Ouh, le gros noir là, dans les annonces de Road Spice. Ah, c'est lui. Ok, ouais. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Et pour jouer le journaliste, on pourrait prendre Spider-Man. Richard Martineau. Richard Martineau. Martineau, je ne crois pas à ça. Non, non, non. Allez, on va revenir tout de suite après la pause. Ben, moi, faut que je parte. Bon, ben, je te laisse là-dessus, fait Maxime, t'as des grosses rénaux à faire. Ouais, pense. Tout à fait. Fait que beaucoup de plaisir. Toi, t'as un invité très spécial. Un invité très spécial, je vous le présente tout de suite après la pause. Ciao! Et pendant que nous autres, on se demandait comment on allait monter et qu'on manquait de place. Lui, non. il a été checké pour louer un véhicule, puis il a jugé que c'était pas. Ben voyons. Que c'était non. pas correct. Puis il nous l'a pas dit que lui pouvait louer un véhicule. Il a checké, puis il y avait des véhicules disponibles. Vous écoutez le 17 Avenue des Pins sur Puissance Maximale. Alors oui, nous sommes de retour de la pause et nous avons un invité de marque aujourd'hui. Nous sommes fortement privilégiés parce que nous avons quelqu'un, un représentant politique qui fait ses débuts pour un parti qui, ma foi, est peut-être trop peu connu, le Parti conservateur du Québec. On accueille avec nous Samuel Fillon-Doiron. C'est sa deuxième apparition. Bienvenue, Samuel. Bonjour. Alors Samuel, ben d'abord, pour nos auditeurs, je sais que c'est pas tous nos auditeurs qui ont regardé chacun de nos épisodes. Peux-tu nous présenter qui tu es un petit peu? Parle-nous de toi, Samuel, là, en quelques minutes, là. Un portrait bref. OK, ben qui est Samuel Fillon-Doiron? Ben moi, premièrement, je suis étudiant à l'Université Laval en enseignement de l'univers social et de l'éthique et culture religieuse. Mm-hmm. J'ai un travail au salaire minimum. J'habite avec mon frère et mon père à Montmorency. OK. C'est ça. Ma mère, elle, est placée en résidence depuis déjà plusieurs années. Okay. Et ça ressemble à ça pour qu'est-ce que je suis moi. Sinon, mes passions, jeux vidéo, j'aime beaucoup ça, l'histoire politique, évidemment. C'est comme ça, t'aurais choisi un autre métier. oui, effectivement. Mais parlant de politique, tu nous dis que tu aimes ça, la politique. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, là? Qu'est-ce qui t'a d'abord intéressé dans la politique, puis comment tu es venu à Mondou de devenir candidat pour un parti politique provincial? Ben d'abord, la politique, ça fait longtemps que ça fait un peu partie de ma famille, parce que mon père est un ancien adéquiste, là. Il a jamais été membre, surtout un sympathisant, et veux pas, à la maison, les conversations qui se passaient, ça tournait beaucoup autour de tout ça. Les anciens adéquistes, c'était seulement ça, il appuyait le parti? Oui, ou il appuyait le parti. Okay. Non, il a jamais été un militant, ni un membre du parti, mais il les appuyait. Et veux pas, tranquillement, pas vite, ben j'ai commencé à connaître ça un petit peu plus. Mais quand est venu le conflit des carrés rouges en 2012, j'ai fini par adhérer à Québec solidaire pendant un petit bout. Tu t'es rangé du côté, du côté orange. On peut dire le côté rouge aussi, si on préfère. Mais oui, effectivement, je me suis rangé du côté de Québec solidaire. Mais tu sais, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui à propos de la politique. Qu'est-ce que t'avais comme connaissance à ce moment-là, peux-tu... Ben, à ce moment-là, moi, je connaissais absolument rien à l'économie. Fait que je voyais vraiment juste le côté social. Puis moi, je me disais, ben, tu sais, c'est tout à fait logique qu'on augmente les impôts pour en avoir plus dans les poches du gouvernement. Mais finalement, à force d'acquérir des connaissances, puis à force de progresser dans mon parcours scolaire au cégep, ben, j'ai comme commencé à voir d'autres points de vue. J'ai dit, réflexion. Puis là, ben, je me suis tourné vers la CAQ, tranquillement, pas vite. Mais c'était pas vraiment suffisant pour moi. J'ai voté pour eux autres en 2014 parce que je connaissais pas encore le PCQ. OK. T'avais quel âge à ce moment-là, tu avais? En 2012, j'avais 18. Alors, en 2014, je devais être proche d'avoir 10. Moi, je devais être proche d'avoir 20 ans. OK. Les élections étaient en avril, j'avais 19. OK. Mmh. Parfait. Ça. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, je regarde la carte, je me dis, ouf, OK. Tu sais, c'est économiquement, c'est correct. Il en manque peut-être un petit peu. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai connu le Parti conservateur du Québec par le biais des réseaux sociaux. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment eux autres qui ont la solution pour vraiment aider le Québec à se sortir de l'impasse. En ce la solution, OK. Tu nous parles d'une solution. Ben, d'abord, on peut peut-être faire un petit topo, là. Peux-tu nous parler... Parti conservateur du Québec, c'est fortement méconnu dans la province. Pourtant, c'est un parti provincial qui est présent. Puis, je connais Adrien Pouliot, le chef du parti. Puis, je pense que je suis pas le seul à connaître non plus Monsieur Pouliot. Seule chose, c'est que le parti, je pense que personne qui connaît de un le programme du parti, puis de deux, je pense qu'il y a personne qui est vraiment à l'affût de leur implication dans la province, là. Peux-tu nous en parler un petit peu? OK. Le Parti conservateur du Québec, ce qui le différencie des autres partis de droite, parce que on regarde notre programme en général, puis les gens vont beaucoup reconnaître de Ronald Reagan à travers ça, là, l'ancien président des États-Unis. Nous, la différence qu'on a par rapport aux autres partis de droite, c'est qu'on ne fait pas d'un dogme la non-intervention de l'État. Parce que ça a été un très gros problème pour beaucoup de partis de droite. Ils veulent tellement pas intervenir, ils veulent tellement laisser de liberté à tout le monde que, à un moment donné, ils négligent le côté social. Mais nous, on fait pas cette erreur-là. Nous, on sait qu'en économie, c'est très important de se tasser, puis de laisser les choses aller le plus possible, sauf en cas de catastrophe, évidemment, parce que ça, le rôle d'un gouvernement, ça reste toujours d'assurer la sécurité de tous. Oui, évidemment. Mais au côté social, il y a des choses qu'on considère qui sont importantes et qui doivent continuer d'exister. Par exemple, moi, dans ma campagne contre Gabriel Nadeau-Dubois d'Angoin, j'ai décidé de faire de mes chevaux de bataille le filet social et les services sociaux. Nous, au Parti conservateur du Québec, nous croyons que les organismes comme l'Aube-Rivière ou le Squat Basseville, c'est des organismes qui ont une réelle importance parce qu'ils sont en première ligne. Ils connaissent les gens de beaucoup plus près que les CLSC ou même les hôpitaux. Et ils savent aussi quand c'est le temps de couper le cordon, mais ils peuvent apporter une aide qui est réelle et dont on a besoin. Fait que nous, même si on associe généralement les gens de la droite à des gens qui font juste couper dans les services sociaux, nous, ce sera pas notre cas. Nous autres, on fera pas ça. OK, mais c'est pas ce que les partis de gauche prônent également. Tu veux-tu peut-être que tu aimerais rediriger le tir là-dessus, parce que j'ai l'impression que les partis de gauche, quand on en entend parler, c'est beaucoup d'implications communautaires, beaucoup de prise en charge de l'État pour rendre au moins nantis. Qu'est-ce que t'aurais en réponse à ça? C'est juste là, t'as dit exactement ce que je reproche à la gauche. Plus d'intervention de l'État pour aider les moins nantis. Nous autres, on pense que l'intervention de l'État, c'est ça qui va tuer l'État, éventuellement. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand t'interviens trop, là, tu finis par t'éloigner des besoins de tous, parce que tout ce qu'un gouvernement fait, il doit le faire pour tous les Québécois. On parle du provincial, là. Fait que quand tu passes une loi, c'est pour tout le monde, mais elle n'est pas forcément adaptée à ce que tout le monde a de besoin, nécessairement. Non, c'est évident. C'est pour ça que moins l'État intervient, plus les gens peuvent mener leur vie par eux-mêmes, et ils moins il y a de lois, plus qu'il y a de liberté pour les gens. Mais la gauche, là, ce qu'on y reproche, c'est pas ses idées, puis ce qu'elle veut faire. Ce qu'on lui reproche, c'est les moyens qu'elle veut utiliser pour s'y rendre. Puis nous, on pense que la solution ne passe pas par plus d'interventions ou plus de public. La solution passe par moins d'interventions et par, des fois, peut-être un petit peu plus de place au privé. Mais faut faire attention aussi. Il faut pas non plus leur donner tout le pouvoir non plus, parce que ça, ça a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que privé-public, c'est pas ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est la concurrence. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs, c'est la concurrence qui compte. Là, on parlera pas des services sociaux, parce que dans ça, la concurrence, ça ne s'applique pas réellement, parce que là, on parle d'aider les gens qui sont dans le besoin. Nous autres, ce qu'on proposait au Parti conservateur du Québec, c'est de leur donner plus d'autonomie, et de augmenter les crédits d'impôt pour les dons des particuliers pour que les gens aient envie d'aller leur donner des dons puis de les aider. Puis en contrepartie, ben nous autres, on les laisse encore plus saluer un peu. OK, des responsabilités des organismes subventionnés. Donc, est-ce que, d'après toi, il faudrait diminuer les subventions pour ces organismes-là ou les augmenter? J'ai de la misère à saisir un peu d'où tu veux te rendre avec ça. OK, diminution... pas dans toutes, parce que chaque programme et chaque organisme est différent, puis il y en a qui vont toujours avoir besoin. Fait que je peux pas. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y en a, essentiellement, ils vivent sa subvention, puis si la subvention n'existait pas, il y a des mises à pied, puis même il y aurait des fermetures d'organismes. Ben, vois-tu, ça c'est un problème, mais on pense aussi que il faut que les gens contribuent de plus en plus, parce que souvent les organismes en ce moment, ce qu'ils nous disent, c'est on manque d'argent pour engager des personnels, on court après des bénévoles, mais on n'est pas capable de les payer, fait qu'ils veulent pas venir. Ben si on ouvre la porte à plus de dons, ben là. Et voilà. Là, le monde vont... Ah, hey, d'un coup, qui ont de l'argent pour engager un cinquième employé, parce qu'il y en a beaucoup d'organismes, c'est 3, 4, 5 employés, penses-tu pas vraiment, plus. Penses-tu vraiment, excuse-moi de te couper, Samuel, penses-tu vraiment que la responsabilité individuelle va être suffisamment grande pour pousser les gens à faire des dons? Oui. Tu penses? Oui, parce que moi, je sais que la gauche, là... Moi, là, ce que j'aime vraiment pas du discours de la gauche en général, c'est qu'il me donne l'impression de ne plus croire aux Québécois. Ils croient tellement que l'individualisme... Eux autres, là, ils ouvrent leur livre de philo, là... Pis là, ils lisent des histoires, ils lisent du Machiavel, du John Locke, du Jean-Jacques Rousseau, ils lisent tout ça, puis ils se disent « Ah, l'être humain, c'est un égoïste pis un individualiste. » Toi, tu penses pas ça? Moi, je pense que notre système, en ce moment, comment il est fait, il est basé sur le fait que les gens travaillent pour eux en aidant les autres en même temps. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux, à mon avis, parce que si tu forces les gens à travailler que pour la collectivité, ça embarque pas, mais si tu les fais juste travailler pour eux, sans aider la collectivité, ben là, on est autant dans une impasse. Nous autres, ce qu'on pense, c'est qu'il faut rester dans ce modèle-là, puis c'est pour ça que l'aide de l'État, est, on considère qu'elle est toujours nécessaire, mais qu'il faut juste la diminuer. Et moi, ce que je pense, c'est que les gens, là, si... Les organismes, par exemple, se lèvent puis qu'ils vont cogner aux portes, comme les politiciens font. Ils disent, écoutez, nous autres, on voudrait réquisitionner des dons. Là. Peut-être pas exactement dit comme ça, mais on a besoin de dons, on aimerait ça, aider notre organisme à mieux aider les gens. Tu sais, le patron de l'Aube-Rivière, là, c'est un homme avec un très, très grand cœur. Puis lui, tu le sais qu'il est pas là pour l'argent du tout, du tout, du tout. Là. Puis moi, je pense que les gens, ils ont du cœur, mais ce qui leur met des bâtons dans les roues, c'est les règlements du gouvernement. OK. Quel règlement exactement? Ben, quand t'es un organisme communautaire, là, pis qui est subventionné entièrement par le gouvernement, là, tu peux pas non plus mordre la main qui te nourrit. Non, c'est sûr. Tu peux pas mordre la main qui te nourrit. Il y a énormément de règles qui font en sorte qu'il faut que tu aides les gens de telle façon, de telle manière, avec tel budget, et ainsi de suite. Puis au final, ceux qui décident réellement, c'est les fonctionnaires. Ouais, fait qu'autrement dit, si l'organisme était responsable lui-même de ses finances, puis qu'il était responsable lui-même... Je résume grossièrement là, d'administrer les parts qu'il y a. Une meilleure autonomie dans les services qu'il veut réellement administrer. C'est ça. Nous autres, c'est l'autonomie qui compte le plus là-dedans. Tu sais, tantôt, là, je sentais que tu me disais, ah ben, on va peut-être, vous allez diminuer les subventions aux organismes communautaires. La réponse, c'est non, parce qu'on le sait qu'ils en ont besoin. Mais en même temps, si ils ramassent énormément de dons de la part des gens puis qu'ils sont capables de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins puis qu'ils sont capables de vivre essentiellement de ça, ben moi je dis ben allez-y, vol de tes propres ailes. Vol de tes propres ailes, puis mieux que ça. Là je vais faire une petite parenthèse avec ce qui s'est passé sur la côte nord là avec l'histoire de rapidement. Ouais, dans le fond là le projet OptiLab là, ce que ça a fait, c'est que ça a fermé des laboratoires dans plusieurs régions du Québec pour les mettre dans les grands centres. Okay. Le plus proche laboratoire dans la côte nord, si on ferme celui-là de Baie-Comeau, si je me trompe pas, je pense qu'il est à Baie-Comeau, c'est à Chicoutimi. Ça fait très très très loin. Oui, ça crée beaucoup de problèmes. Ben oui. Et nous, ce que notre candidat a proposé, c'est ben regardez, tous ceux qui travaillaient là, allez faire un tour. Il y a plein d'entreprises privées là, allez cogner à leur porte, puis dites ben regarde, nous autres, on aimerait ça continuer de runner notre laboratoire ici. Est-ce que tu pourrais nous aider, nous subventionner? Pourquoi je ferais ça? Ben, ça paraît très bien. Puis en plus, c'est un super beau crédit d'impôt pour ça. Ah ouais? Ouais. Go. Te dis, il y en a plein qui vont dire oui à ça. Puis en plus, on veut les augmenter, ces crédits d'impôt-là, pour les dons. Fait que raison de plus pour dire oui, hein? Ben évidemment. Ben c'est sûr c'est que, vu comme ça, c'est sûr que c'est un incitatif qui peut être intéressant. Je vais te parler d'autres questions que j'avais préparées pour toi, Samuel. Peux-tu nous parler d'Adrien, rapidement, qui il est comme personne, Adrien Pouliot? J'imagine que tu as eu la chance de le rencontrer plus qu'une fois. Oui, évidemment. Bon, Adrien, ben, premièrement, c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement intelligent. Lui, sa vie, en général, c'est de bâtir des entreprises, puis il en a revendu beaucoup à travers ça. T'sais, il a cofondé l'Institut économique de Montréal. Okay. Et aujourd'hui, ben, je sais pas s'il y a encore des parts là-dedans. Là. Je connais pas toute sa vie privée, mais lui, c'est un entrepreneur. Puis lui, c'est vraiment ça, son mode de vie. Okay. C'est ça. Ça ressemble à ça. T'sais, sinon, en tant que personne, personnellement, je le connais pas nécessairement plus qu'il faut. T'sais, je connais l'homme politique. Mais en tant que personne politique, là, quelle implication il va chercher dans sa communauté? Parce que moi, personnellement, je pense aux ministres qui nous sont présentés, sa scène québécoise ou provinciale ou fédérale. Je pense tout de suite, par exemple, à Lupa Clark, qui est notre député fédéral dans Beauport-Limoilou. Mm-hmm. Puis, tu sais, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je l'ai vu dans toutes sortes d'événements corporatifs. Mais, tandis que d'autres députés, je n'ai jamais vu un autre vraiment, là, ailleurs, dans d'autres événements. Qu'est-ce qu'il fait, Adrien Pouliot, dans une journée, là? Il est où? Ben, Adrien, étant donné qu'il y a plusieurs entreprises, c'est certain que ça occupe une très, très grande partie de son temps. Et en plus, il habite à Montréal. Okay. Alors, en partant, c'est un horaire qui est extrêmement chargé pour lui. Fait que les gens qui, t'sais, lui, sa contribution à la société, c'est par le biais de ses entreprises. Récemment, il y avait une entreprise d'autocar qu'il a vendue à Orléans Express, mais tu sais, il a créé quand même une entreprise d'autocar. Ouais. Puis ça, t'sais, justement, nous autres, au Parti conservateur du Québec, on pense que le privé a un grand rôle à jouer dans le développement social, veut pas, parce qu'il crée des jobs, puis ben, c'est souvent, sûr, c'est sûr. on te raconter une histoire que lui-même m'a racontée au congrès. FedEx, là, ça a été inventé par quelqu'un que ça ne tentait pas d'attendre 7 jours entre le moment où il a envoyé une lettre de l'Est des États-Unis jusqu'à San Francisco. C'est un gars qui a pensé à ça tout seul, puis il a décidé que, bon, ben, tout d'un coup, c'est devenu FedEx par après. Fait que, nous autres, on pense qu'il faut laisser des fois l'initiative au privé, mais en ce moment, le programme, on dirait que c'est exclusif au gouvernement, puis le privé, ben, c'est tassez-vous de là, nous autres, regardez ce qu'ils ont fait avec Uber. Ouais, effectivement, ça, je dois te l'accorder, Samuel. Je voulais te poser la question suivante, moi, c'est une question que je trouve fort pertinente. Le nom du parti, Parti conservateur, moi, je comprends pas tout à fait le nom. Conservateur, je trouve que ça peut être perçu comme péjoratif. Conservateur, tant qu'à moi, c'est le contraire du progrès, là, en quelque part. Penses-tu que c'est un avantage ou un désavantage dans le cadre de votre campagne ou dans le cadre de votre juste vision, votre vision populaire? Ben moi, je pense qu'un nom qui est déjà connu puis qui a déjà une réputation, en partant, c'est quelque chose qui peut nous aider. Parce qu'il y en a qui ne cherchent qu'un... qui cherche ça, un parti conservateur au Québec. Mais si tu t'appelais autre chose, ben, tu sais, ça leur parle pas en partant. Puis eux autres, il y en a beaucoup que, aussitôt qu'ils entendent conservateur, ils disent, hein, il y en a un parti conservateur au Québec. Puis là, ils regardent. C'est drôle parce que j'en parlais à ma blonde ce matin, puis elle me disait la même chose. Elle dit, ah ouais, on a ça au Québec. Mais ben, oui. On a un provincial aussi. Mais ben, oui, on a un parti conservateur du Québec au provincial. Et on a intérêt à le faire connaître, mais surtout, je pense que le plus important, c'est de casser l'image comme quoi que les conservateurs, ce sont tous des conservateurs sociaux, parce que c'est pas vrai. Il y a pas de conservateurs sociaux au Parti conservateur du Québec. En tout cas, j'en ai pas entendu aucun se manifester. Moi, quand je parle avec eux autres, là, c'est toujours du conservatisme fiscal et économique, mais quand tu leur parles de social, là, eux autres, ils se soucient des services publics. Ils pensent juste qu'ils sont mal gérés puis qu'il faut changer la manière dont les services publics sont gérés. Okay. Maintenant, on va virer à la médaille de bord. J'aimerais connaître ton opinion, Samuel. Tu me dis ça, conservateur économique, mais pas socialement. Non. Ce qu'on entend souvent, là, si on revire la médaille du côté de ton adversaire principal, Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'on dit de Québec solidaire, c'est ils sont socialistes à la mort sur le plan social, mais au niveau fiscal, ils connaissent rien, puis ils savent pas faire un budget. Je voudrais savoir ton opinion là-dessus, parce que moi, je pense pas que ce soit des timbrés non plus puis qui ont aucun souci financier là, malgré tout. J'aimerais juste avoir ton point de vue là-dessus. Moi, je pense que il y a pas un parti qui va dire on n'a pas le souci financier. Tu sais, il y en a aucun qui peut dire ça. Mais par exemple, quand tu parles que t'as le souci du social, là, ça pogne au bout. Tu sais, je regarde le programme de Québec solidaire. La seule chose que je me dis, c'est que c'est malheureusement au niveau fiscal. Tu sais, OK, c'est bien beau, mais la question que tu peux poser à toutes leurs promesses, c'est où c'est que tu vas prendre l'argent? Parce que eux autres, ils dépenseraient dans tout. Ils veulent doubler le nombre d'élus à l'Assemblée. Ils veulent créer une deuxième Assemblée, là. Je sais pas si vous le savez, là. Mais oui, ça peut... C'est bien beau sur le papier, mais dans la réalité, là, un député, ça gagne presque 100 000 par année. Un ministre, ça en gagne 60 000 de plus. Le premier ministre, je pense qu'il est quasiment à 200 000 et quelque chose. Je me souviens plus. Hey, ça coûte de l'argent, ça, puis il faut que tu les payes, ces gens-là. Ben oui. Mais sauf que si t'arrêtes... Puis ça, je vais vous le dire parce que ça a été enlevé du programme de Québec solidaire parce que ça aurait jamais passé au conseil dans une élection. Là, eux autres, ils voulaient imposer à 100% tout l'argent que tu gagnes au-dessus de 100 000 par année. À 100%? Ouais. Ça, imagine. Parce que là, ça, c'est ce que tu gagnes au-dessus, mais le reste de ton salaire est imposé selon les autres paliers d'imposition. Ben oui. Fait qu'imagine le médecin qui gagne 200 000 par année, combien qu'il reste dans ses poches? Ben, 100 000 moins les déductions, donc 55 000? Peut-être. Je suis même prêt à dire moins. Moins, probablement. Probablement moins, parce qu'oubliez pas qu'ils veulent augmenter les impôts, en plus, les autres, là. Mais ça, ils ont enlevé ça de leur programme. Mais si vous pensez que ça circule plus dans les corridors de Québec solidaire, vous êtes naïfs, là. Je suis désolé, là. Ils ont beaucoup, beaucoup changé leur programme pour qu'ils paraissent mieux. Puis moi, c'est des affaires de même qui ça me fascine complètement de voir ça. Je trouve que c'est impensable. Puis on s'entend-tu que si... je pourrais être médecin, il faut que j'aille faire un doctorat pour avoir le même salaire que je sais pas, un éducateur spécialisé, par exemple, là. Ben, je suis désolé, mais je vais aller faire une technique qui prend 3 ans plutôt qu'aller en médecine, que ça en... quasiment... Là, tu te contredis pas, ça? Là, Samuel, là? Tantôt, tu parlais de responsabilité individuelle, puis d'être humain qui est capable, par lui-même, d'aller faire des dons. C'est pas une contradiction, là, de dire que si tu dois sacrifier une partie de ton salaire, tu changes de job? Non. Parce que la médecine, tu sais, dans la formation en elle-même, là, il y a beaucoup de gens qui est à fond puis qui sont absolument incapables de travailler pendant ce temps-là, puis que ça leur en demande beaucoup. C'est vraiment pas un bac qui est facile. Puis veut pas, il faut pas, sais, la responsabilité individuelle, oui, on encourage ça énormément, mais on est conscient aussi que pour prendre tes responsabilités individuelles, il faut qu'on te donne les moyens de le faire. Puis dans le cas, mettons, du bac en médecine générale et tout ce qui vient ensuite de ça, t'sais, il faudrait les payer, il faudrait quasiment leur donner un salaire à temps plein pour qu'ils acceptent d'aller là et d'avoir les conditions qui vont venir avec. Parce qu'oubliez pas qu'un médecin, là, ça travaille énormément même après. Là, ils ont des horaires. Ils ont des 70 heures passées par semaine. Oui, c'est ça. Parce que, puis honnêtement, on peut se le parler, là, mais peu importe ce que tu vas offrir à quelqu'un, là, il y a rien qui peut battre le fait de passer du temps avec ta famille, puis c'est ça. Fait que veux pas, tu sais, là on donne l'exemple de la je donnais l'exemple de la médecine, mais tu sais, il faut reconnaître certaines choses aussi, puis reconnaître qu'il y a des réalités qui existent, puis il faut pas se fermer les yeux là-dessus. OK, parfait. Quelques autres questions. Pourquoi tu penses qu'il y a un appui au fédéral pour le Parti conservateur mais qu'au provincial on n'entend même pas parler, hein? Ben le Parti conservateur du Canada fait quand même rarement plus de 16% au Québec, là. Fait que non, l'appui... c'est clair, mais il y a quand même un appui fort dans la ville de Québec pour le Parti conservateur, ouais, tandis que au provincial, c'est les libéraux qui sont là à presque tous les volets. Là. Parce qu'historiquement, il n'y avait pas de Parti conservateur au Québec. Le Parti conservateur du Québec a fusionné avec l'Union nationale, puis ensuite, quand l'Union nationale c'est ça, il a tout disparu. Fait que, veux pas, le seul parti fédéraliste qui restait à cette époque-là, c'était le Parti libéral. Ouais. Fait que les conservateurs se sont tournés vers eux, puis là, il y a comme, tu sais, puis là, il y a la CAQ qui est apparue un peu, puis là, les conservateurs aux fédéraux, ils se mettent à coucher dans le lit de deux partis en même temps, puis là, tranquillement, pas vite, là, le Parti conservateur du Canada commence à nous reconnaître, puis je pense que ça va nous aider à augmenter de plus en plus. Puis, tu sais, notre parti est très, très jeune, on a été fondé en 2009, puis... 2009, OK. 2009, puis notre premier chef, le premier chef est plus là, je l'ai jamais connu. Okay. Et je sais qu'après son départ, il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications dans la constitution du parti pour enlever la partie conservatisme social. OK, avez-vous beaucoup de, comme moi je dirais bien ça, de liens avec le fédéral? Tu me disais qu'il y avait plus de reconnaissance. Est-ce que vous en avez des liens ou les fédéraux? On en a, mais c'est par député ou par membre en général. Okay. Parce que le parti ne prend pas position pour l'ensemble de son caucus, c'est chaque député a le droit d'appuyer le parti qu'il désire. Okay. Comme là, en ce moment, on a eu l'appui de 4 candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada, qui sont Maxime Bernier, Andrew Scheer, Kelly Leach et Rick Peterson. Okay. Puis ça, moi, je pense que ça va finir par paraître de plus en plus. OK. Ben, tant mieux. J'ai deux ou trois autres questions pour toi. La première et la suivante. Hey, je lisais, j'ai vu un article, là, je pense que c'est Québec Hebdo. Non, c'est quoi? Journal Métro. Oui, le Journal Métro. Qui avait partagé ta candidature. Félicitations pour ça. Merci. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires dans des threads Reddit sur Internet ou même sur Facebook. Beaucoup de personnes qui te traitaient comme un candidat poteau. Qu'est-ce que t'as à répondre à ces personnes-là? Qui vont avoir une méchante surprise, mais que j'arrive à Gouin. Parce que là, en ce moment, j'étais pogné à Québec à cause que, ben, contrairement à une certaine personne en 2012, moi, je vais à mes cours, puis j'ai... puis j'étais... Là, je viens de finir mes examens, je les ai finis hier, là, puis moi, je m'en vais habiter à Montréal pendant un mois de temps, puis je vais être dans le comté à tous les jours, puis je vais participer aux activités, puis je vais être là aux événements. Je m'en vais pas là pour faire le poteau. Je m'en vais là pour gagner. Okay. Puis je suis désolé, là, mais moi, m'est avis, là, que... Le vote de 50% que Québec solidaire a eu, là, il appartient pas à Québec solidaire. Il appartient à Françoise David. Françoise David. OK. Oui. Tu compares pas Gabriel Nadeau-Dubois à Françoise David? Pas du tout. Moi, je pense que ça va peut-être sembler dur ce que je vous dis, mais je pense que ce gars-là ne mérite même pas d'être l'ombre d'une femme comme elle. Parce que lui, il est arrivé par en arrière avec sa gang qui viennent des syndicats. On va se le dire, là. Mm-hmm. Puis, là, oui, il a amené 1400 membres de plus dans le parti, là, mais ce parti-là, là, le fondement même de ça, c'était le communautaire. Puis ça, c'est ce qui attirait les gens là-dedans. Puis moi, je le vois arriver, là, puis il représente l'inverse total de ce qu'est Québec solidaire. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit que je donnais mon appui à Sylvain Lafrenière au poste de porte-parole masculin, parce que je trouve qu'il représente vraiment ce qu'est Québec solidaire. OK. C'est-à-dire? Un parti qui est pour le communautaire, qui veut aider les gens, peut-être pas avec des moyens auxquels j'adhère, mais qui veulent vraiment aider les gens. Qui philosophiquement sont avec le monde. C'est ça. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, pour moi, c'est un représentant du plateau Mont-Royal d'Angoin. OK. Comment tu te vois par rapport à lui? Ben moi, personnellement, comme je l'ai dit au début, je viens d'une classe modeste. Mon père, il gagnait 12 000 par année pendant longtemps. On est obligé de vivre dans des coopératives. À un moment donné, à Noël, il y a une année qu'on avait même pas de cadeau en dessous de l'arbre. On s'en est fait donner par l'église de Montmorency. Tu sais, lui, là, il a jamais connu ça. Il sait pas ce que c'est que devoir gérer les 30 derniers jours du mois. Lui, là, il a jamais eu de problème réel dans sa vie. Il sait pas ce que c'est que de se sortir de la misère. Tu sais, moi, là, ma première maison, là, je l'ai eue à 14 ans. Avant ça, là, on habitait dans des appartements et des coopératives. Puis, en plus, avec maman qui avait de la difficulté à la maison, fallait en plus jouer le rôle de l'aidant naturel, là. Ça, ça a vraiment pas été facile. Ouais. C'est ça. Puis lui, ben, je suis désolé, mais... Tu sais, je me demande s'il a déjà bénéficié de services communautaires dans sa vie. Moi, c'est mon cas. OK. Samuel, dernière question. Oui? Laisse-moi juste revenir. Ouais, c'est quoi ta stratégie ensuite de ça, là? Tu nous dis que tu vas vivre à Montréal, tu vas être dans la communauté. C'est quoi ta stratégie? Puis c'est quoi ton principal cheval de bataille une fois que tu vas être implanté là-bas? Ben moi, comme je l'ai dit, mon principal cheval de bataille, ça va être les services sociaux puis le filet social. Parce que moi, je considère que c'est important d'en parler. Tu sais, par exemple, nous autres, là, pour, mettons, le bien-être social, nous autres, on a une proposition qui visait à augmenter les chèques pour les gens qui ont des contraintes sévères au travail. Ouais. Parce que en ce moment, là, mon petit frère en bénéficie, ouais, en ce moment, là, à cause de son trouble du langage, là. Ouais. Puis lui, il gagne 957$ par mois. C'est okay. Complètement ridicule, ben c'est même pas le salaire minimum. Je sais, c'est vraiment très peu. Moi, j'ai un de mes amis, lui, il a un trouble du spectre de l'autisme, puis avec anxiété généralisée, puis il peut pas travailler dans différents contextes, fait que lui, pas mal de temps chez eux, il a une chaîne YouTube, là, puis il fait du matériel YouTube, mais, tu sais, je veux dire, il gagne à peu près 600-700$ par mois pour avoir son appartement, là. C'est vraiment peu, là. Ben oui, c'est complètement ridicule, puis c'est aberrant à part de ça. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ces gens-là ont le droit de bien manger comme tout le monde, ils ont le droit d'avoir un endroit où vivre qui est quand même assez confortable, là, ouais, aussi. Évidemment. Puis je considère aussi que une autre promesse qu'on a faite, là, c'était, tu sais... Un exemple de situation, t'as deux personnes. Il y en a un qui s'est cassé la jambe, l'autre s'est fait couper la jambe. Dans les deux cas, t'as pas mal à peu près les mêmes handicaps, tu peux pas te servir de ta jambe. Évidemment. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est temporaire, l'autre est permanent. Pourtant, ouais, le permanent va avoir plus d'argent que le temporaire pour à peu près les mêmes besoins. Moi, je pense que les deux montants doivent être égaux, puis que ça doit être bon pour les deux. Les deux montants doivent être égaux, pour autant que la contrainte est la même. Ben oui, la contrainte doit évidemment être la même, là. Ouais. C'est juste que, tu sais, quand la seule différence entre deux contraintes, c'est la permanence ou le fait que ce soit temporaire, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle ça... Évidemment. C'est ça. Puis sinon, pour ma stratégie, ben, moi, je vais aller cogner aux portes. À tous les jours. Je vais participer aux ananas, je vais être là. Puis je veux écouter le monde aussi. Moi, ouais, je veux savoir à Gouin c'est quoi qui est important pour eux autres, puis qu'est-ce qu'ils veulent que j'amène avec moi à l'Assemblée nationale. Parce que moi, ce que je pense, là, c'est que c'est possible de gagner à Gouin, même pour quelqu'un qui est à droite. C'est déjà arrivé, le maire d'arrondissement, là-bas, c'était quelqu'un de droite, il a déjà gagné. Okay. Oui. Puis, je pense aussi qu'il faut que les Québécois retrouvent espoir que le Québec peut changer. Parce que je sens qu'il y en a qui ont perdu l'espoir que le Québec pourrait changer, puis à la place, ils vont décider de se joindre au Parti libéral, parce que au moins, eux autres, c'est les moins pires, puis ils veulent pas casser le Canada en deux. Il y en a beaucoup qui prennent ça pour une assurance souveraineté. Mm-hmm. Mais heureusement pour eux autres, maintenant, ils peuvent la magasiner, leur assurance souveraineté, parce que nous autres, la séparation, évidemment, on n'est pas... on n'est pas d'accord avec ça. Okay. Mais par contre, ça, c'est une proposition dont on est vraiment fiers, puis qui a été adoptée au dernier congrès. On a adopté la démocratie directe. C'est-à-dire? Si vous faites une pétition puis que vous récoltez 100 000 signatures, vous pouvez réclamer un référendum sur n'importe quelle question, okay, au gouvernement. Et chaque question, c'est limité à une fois aux 5 ans, parce que sinon, on n'en finirait plus. Ben non, et les questions constitutionnelles, c'est une fois tous les 20 ans. Okay. C'est ça. Ça, c'est... Nous autres, on... Puis, justement, là, si les gens de Gouin me mettent à l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça changera pas le gouvernement qui est en place. Mais non, ce que ça va faire, par exemple, là, c'est que ça va envoyer un message, puis... Mon message, il va résonner partout au Québec, parce que veux pas, je vais avoir le droit de parler rendu là-bas. Ouais. Et ça va aider le Parti conservateur à peut-être rentrer en 2018 avec plus qu'un député. Puis ça, là, ça a vraiment de l'importance. Il faut que les gens croient qu'on est capable de changer le Québec sans faire comme Québec solidaire, puis vouloir adopter le modèle vénézuélien, là. Okay. Toi, t'as quel âge, Samuel? 22? 22. 22 ans, parfait. Penses-tu que c'est une béquille ou un avantage pour toi, cette jeunesse florissante? Ben, à date, c'est rien que des jeunes candidats qui sont ben, sont évidemment, là, ça. Je vois mais... GND, quoi, il y a 23 ans. GND, il y a 26 ans. Jonathan Marlowe, du Parti libéral, en a 25, si je me trompe pas. Puis moi, je pense que c'est vraiment rafraîchissant puis que c'est le fun. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de monde qui vont utiliser l'argument du... T'as pas d'expérience. Non, c'est vrai, mais c'est ce qu'on reprochait, entre autres, à notre premier ministre canadien. Là. On disait, il y a quoi, 45 ans? 43 ans, Justin Trudeau. On disait, c'est un bébé. Puis là, ben, ouais, mais on voit... Je suis plus rendu à quel âge? Il est peut-être rendu à 45. Là. Sa fête est à Noël, fait que faites le calcul. Okay. Mais c'est ça. Puis moi, je pense que je pourrais leur répondre tout simplement, ben, regardez, il y a le monde à l'Assemblée nationale, ils en ont de l'expérience. Ils ont-tu mieux géré le Québec pour autant? Moi, je pense que la réponse, c'est non, là. Bon, bonne réponse. Samuel, où est-ce qu'on peut te suivre? J'ai vu, t'as une page Facebook. J'ai une page officielle sur Facebook qui s'appelle Samuel Fignon-Doiron, PCQ-Gouin. Sinon, mon profil public aussi, personnel est rendu public aussi. Okay. Il y a plusieurs façons. J'ai un compte Twitter aussi avec mon nom, Samuel Fignon-Doiron. Samuel Fignon-Doiron, parfait. On va tout mettre ça en annexe là, dans les commentaires. Ben, sur la page du 17 Avenue des Pins. Si tu veux terminer avec un petit mot de la fin en 30 secondes. Mm-hmm. Ben, regardez. S'il y en a qui croient encore que le Québec est dans une impasse, là, moi, je pense que vous vous trompez puis qu'il y a encore espoir que les choses changent au Québec puis qu'on réussisse à transformer le Québec en une société où tout le monde peut vivre ses rêves, où tout le monde a plus de liberté et où tout le monde peut juste être fonceur sans se faire mettre de bâton dans les roues par personne. C'est cool. Hey, merci, Samuel. Merci. Le 17 Avenue des Pins est une production Puissance Maximale et RZO. Une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.